Dossier 6. Leçon 3. Activité 8. Avant de refermer notre page culture, on voudrait vous signaler un important événement qui va se dérouler au printemps en Bretagne. N'est-ce pas, Joséphine ? Exactement, Fabrice. Il s'agit du 23e Festival international du livre et du film de Saint-Malo, qui a pour nom Étonnant Voyageur et qui aura lieu du 26 au 28 mai. Oui, c'est à présent le festival pour tous les aventuriers passionnés par l'image et l'écriture. Et connaissez-vous son slogan ? Naturellement. C'est « Quand les écrivains redécouvrent le monde ». Bravo, Joséphine. Voilà une formule qui résume parfaitement l'esprit de ce festival qui attire de plus en plus de monde. Oui, et cette année, 200 auteurs du monde entier se retrouveront dans la jolie ville de Saint-Malo pour 3 jours de rencontres. Il y aura des cafés littéraires, des débats, des lectures, dans 25 lieux à travers la ville. Beau programme! Oui, Fabrice. Et ce n'est pas tout. Cette année, un concours d'écriture de nouvelles, Étonnant Voyageur, est proposé à tous les collégiens et lycéens de 11 à 18 ans. Quel est le thème retenu? Le thème de cette année, c'est « Dans la poussière des chemins ». Ce sera une belle occasion pour les élèves de se confronter à l'écriture. On peut s'inscrire jusqu'au 1er février. Tous les renseignements sont sur le site www.étonnant-voyageur.com. Alors, rendez-vous à Saint-Malo pour redécouvrir le monde.